Bon, nous allons exécuter quelques exercices vocaux. Ah, patamana, mampatamana, nana, patamana, mapatomina, la kama. Aïe, patama, ampatama, dam, patama, la kumina, da kama. Makapi temoho, imakapi temoho, manunjana na bakamala, bakamala doye, me bakamala. Omade mande. Batumila, Batumila, Jai.